Chapitre 4. Monsieur Simonin est en retard ce soir, dit mademoiselle Mélanie en se penchant vers la cheminée, où une pendule à colonne venait de sonner 8 heures. Monsieur le juge de paix se sera oublié à la chasse, insinua l'abbé Hersant. En même temps, le curé se hâtait de s'installer dans l'unique fauteuil confortable du salon. Son grand corps maigre flottait dans une soutane blanchie aux coutures. Ses pommettes saillantes, ses petits yeux perçants et scrutateurs sous des paupières presque toujours baissées, lui donnaient un air ascétique. Sa seule faiblesse était de se poser soigneusement à contre-jour, afin de rendre moins apparentes les marques de petites véroles dont son visage était troué. Le juge, continua-t-il en abritant de la main ses yeux fatigués, le juge est un émeraude, et comme les jours rallongent, il se sera tardé à poursuivre son gibier. Oui, remarqua la sœur du curé, après avoir compté les mailles de son tricot. Voilà que nous tenons le printemps, et j'ai déjà entendu le coucou. 3 jours en mars, 3 jours en avril, chante coucou si tu as envie. À l'autre bout de la table, Aimé, tout en bâillant sur un numéro des annales de la propagation de la foi, assistait d'un air indifférent à cette conversation sans intérêt. La lueur de la lampe éclairait faiblement la blancheur de sa nuque et ses cheveux noirs que le peigne avait du mal à maintenir et qui s'échappaient de tous côtés en frisure rebelle. Ses yeux couraient distraitement le long des pages de la brochure. Elle prêtait l'oreille au bouillonnement de l'eau dans les vannes du moulin et semblait ne se soucier ni de sa lecture ni de cette partie de nain jaune si impatiemment attendue par les 3 vieilles filles et le curé. « Voici Monsieur Simonin, j'entends son pas !» s'écria mademoiselle Victoire, qui devint toute rouge et qui s'empressa d'apporter le carton du nain jaune. En effet, le juge entra précipitamment et se confondit en excuses. Monsieur Simonin avait 45 ans. Il était, comme le curé, alerte et maigre. Seulement, au rebours de l'abbé Hersant, il avait une vivacité de gestes et une volubilité de paroles qui donnaient à sa naïve personnalité un agrément dont le curé était absolument dépourvu. Vivant seul à l'abbatiale, entre sa gouvernante et ses chiens, il était un peu malade imaginaire, s'occupait minutieusement de son régime, de son appétit, de ses digestions, et en entretenait volontiers les autres. Chasseur adroit et passionné, il estimait surtout la chasse pour ses vertus apéritives. Il était heureux de revenir affamé et de pouvoir dire à ses intimes « J'ai fait 8 lieues aujourd'hui, et en rentrant j'ai mangé comme un vautour ». Il salua cérémonieusement le curé et sa sœur, s'inclina plus familièrement devant les demoiselles chenues, puis s'approchant d'Aimé et lui souhaitant le bonsoir. « Mademoiselle, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais vu de bécasse. J'ai eu la chance d'en tuer 2 ce soir. Permettez-moi de vous en faire hommage. » En même temps, il extrayait de chacune des poches de sa longue redingote un de ces oiseaux qu'il déposait sur les genoux de la jeune fille. « Pauvre bête !» murmura Aimé, en lissant du bout du doigt le plumage jaunâtre et bistré des 2 oiseaux dont les têtes pendaient, les yeux fermés, avec leur long bec proéminent. Quel dommage! On prétend, remarqua le curé, que la bécasse est un des gibiers les plus difficiles à tirer. Oui, répondit le juge, mais j'ai le coup d'œil juste et mon fusil est excellent. J'ai été décidé à ne pas rentrer avant d'en avoir décroché 2 pour mademoiselle. Si le regard de Victoire avait eu la vertu meurtrière du fusil du juge, Aimé eut subi en ce moment le sort des bécasses. La vieille fille, suffoquée par cet excès de galanterie, dardait furieusement ses gros yeux sur sa nièce. « Ah !» se disait-elle, la traîtresse. « Voilà comme elle me récompense de l'amitié que j'avais pour elle. Elle travaille à me supplanter dans le cœur du juge. » Elle bondit vers Aimé et lui arrachant des mains les 2 oiseaux. « Saute !» s'écria-t-elle. « Au lieu de caresser ces bêtes mortes, ne feriez-vous pas mieux de distribuer les jetons? Vous voyez bien qu'on attend. » Elle jeta dédaigneusement le gibier sur la cheminée et prit place à côté du curé. Pendant toute la soirée, elle ne perdit pas de vue le volage juge de paix qui s'était assis près d'Aimé et lui donnait des conseils à mi-voix. C'était la première fois qu'elle s'apercevait des attentions du juge pour sa nièce. Le sauvage chasseur, si froid d'ordinaire avec les dames, semblait se dégeler aux côtés de cette verte jeunesse de 16 ans. Lorsqu'il parlait à Aimé, sa voix, habituellement brusque, trouvait des intonations veloutées qui mortifiaient cruellement l'amour-propre de Victoire. À partir de cette soirée, la jalousie commença de poindre au cœur de la grosse fille et Aimé eut une ennemie de plus dans la maison. Du reste, elle ne paraissait nullement s'en inquiéter. Au contraire, le printemps semblait développer en elle des germes d'espièglerie et de rébellion. Pendant tout l'hiver, Elle avait supporté avec une résignation apparente la monotonie de sa vie de recluse. Les exigences taquines de Mademoiselle Mélanie et les niais bavardages de Victoire. Mais depuis les premiers soleils d'avril, toute la vitalité qui sommeillait en elle s'était réveillée. Elle était comme ces jeunes chevreuils qu'on croit apprivoisés et qui sentent tout d'un coup leurs instincts de fauve renaître quand le vent printanier leur apporte les émanations de la forêt. Lorsque, par la fenêtre ouverte, Aimé voyait les hêtres bourgeonner ou que le matin, en s'éveillant, elle entendait le sifflet des merles à la lisière du bois, elle s'impatientait de son existence renfermée. Il lui monta à la tête de violents désirs de course en pleine forêt, de vagabondage à l'air libre. Un soir, un facteur rapporta de sa tournée un bouquet de muguet à peine épanoui et l'offrit à la jeune fille. Cette pénétrante odeur des plantes forestières fit monter des larmes aux yeux d'Aimée. Elle plongea sa figure dans les blanches grappes humides et en respira longuement le parfum. Quand elle releva la tête, ses yeux brillaient et ses narines dilatées avaient une telle expression de joie voluptueuse que Mademoiselle Mélanie en fut scandalisée. Elle reprocha aigrement à sa nièce cette coupable délectation des sens et lança les muguets par la fenêtre. Aimé sortit en faisant claquer la porte, tandis que Mademoiselle Mélanie, croisant les bras et enfonçant ses mains dans ses larges manches taillées à la religieuse, murmurait « C'est une vraie fée Noël !» En effet, on eût dit que le sang des fées Noël bouillonnait plus fort que jamais dans les veines de la jeune fille. Cette influence de la race se traduisait de mille façons scandalisantes. Désirs fantasques, brusque explosion de larmes, colère soudaine, révolte terrible. Aimée trouvait de malicieux raffinements pour exaspérer la jalousie de Victoire. La grosse fille en maigrissait et devenait enragée. On ne sait pas quelle rancune vénéneuse peut fermenter dans une nature féminine étroite, sensuelle et bornée, qui a passé sa jeunesse à étouffer de désirs et qui, arrivée en sa pleine maturité, voit sa dernière espérance matrimoniale coupée sur pied par le caprice d'une fillette de 16 ans. Victoire nourrissait maintenant contre Aimée une haine de vieille fille et de dévote. Elle la haïssait à cause de sa jeunesse, à cause de sa taille svelte, de ses yeux lumineux et surtout de ses abondants cheveux noirs, frisant naturellement, tandis que les pauvres boucles rares de la quadragénaire restaient rebelles à la longue compression des papillotes. Ses beaux cheveux moutonnants étaient, de la part des deux vieilles filles, l'occasion de continuelles réprimandes acrimonieuses. Elles avaient obtenu à grand-peine qu'Aimée les noie en un lourd chignon au lieu de les laisser flotter sur ses épaules. Elles auraient voulu la forcer à les enfouir sous un bonnet de linge. Mais plus les deux tantes multipliaient les sermons, plus la nièce s'obstinait à montrer ses cheveux dont elle était très fière. Un soir qu'elle s'apprêtait à se rendre au salon, où le juge et le curé étaient déjà installés autour de la table à jeu, elle s'approcha du petit miroir pendu en face de son lit, défit son peigne et regarda ses cheveux se répandre sur ses épaules. Des idées de révolte lui montaient à la tête. Elle noua quelques-unes des boucles avec un bout de ruban, laissa les autres ondoyer autour de son cou et pendre jusqu'au milieu du dos, et ainsi coiffée, elle apparut brusquement dans le cercle des joueurs. Il y eut un mouvement de surprise sur tous les visages. Les tantes étaient effarées, le curé fronça les sourcils, sa sœur ne put retenir un haut désapprobatif. Le juge seul parut enchanté. « Tu t'es bien fait attendre ?» grommela Victoire d'une voix étranglée. « J'avais la migraine, » répliqua Aimée, « mais je vais mieux. Seulement, comme mon peigne me faisait mal, je l'ai enlevé. » Les coins de sa bouche se retroussaient ironiquement, et derrière les franges des cils, ses yeux verts coulaient vers les vieilles filles d'obliques regards de bravade. Mademoiselle Mélanie se tenait à quatre pour ne pas éclater. Aimée s'assit tranquillement à sa place accoutumée, près de M. Simonin. Le pauvre juge, qui sentait de temps à autre le collet de sa redingote effleurée par les boucles indisciplinées de sa voisine, ressemblait à un Saint-Laurent sur le grill. La pénétrante odeur de ses jeunes cheveux le grisait. À un certain moment, il n'y put tenir, et frôlant de ses doigts timides les soyeuses crépelures d'Aimée, « Mazette, murmura-t-il, que vous avez de beaux cheveux, mademoiselle Aimée. » Il y eut d'abord un silence profond. Les vieilles filles et le curé se regardaient stupéfaits. « Aimée !» s'écria enfin Victoire en foudroyant du regard l'audacieux chasseur. « Viens te mettre auprès de Mélanie !» En même temps, la grosse fille se levait, poussait vivement sa nièce du côté de sa sœur aînée et s'intercalait violemment entre les deux coupables. Cette démonstration imprudente du juge jeta un froid sur tout le reste de la soirée. M. Simonin se hâta de s'esquiver après la partie. Le curé et sa sœur le suivirent de près. quand les deux tantes furent seules avec leur nièce. « Mademoiselle, » commença Mélanie de son ton le plus rêche, « pourquoi vous êtes-vous présentée dans cette tenue inconvenante ?»« Quelle tenue ?» demanda ingénument la malicieuse fille en s'examinant d'un air étonné. « Ne fais donc pas l'innocente, » murmura Victoire. « Vous me comprenez fort bien, » reprit Mélanie. « Je parle de cette indécente crinière que vous laissez pendre sur votre dos malgré ma défense. C'est offenser Dieu, ma fille, que de se livrer à ces damnables coquetteries. Puisque Dieu m'a donné mes cheveux, pourquoi l'offenserais-je en les montrant ?»« Quelle immodestie !» s'écria Victoire, outrée. « Étonnez-vous après cela que les hommes se permettent des privautés quand on les y pousse par de semblables provocations. » « Chut, Victoire, » interrompit la sœur aînée, « le mal est assez grand sans l'augmenter par des commentaires. Retirez-vous, mademoiselle, et demain, ayez la bonté de mettre un bonnet, quand vous viendrez au bureau, sans quoi je me verrai dans l'obligation de vous faire couper les cheveux. »« Couper mes cheveux? Essayez !» s'écria Aimée, dont le tempérament violent se souleva à cette seule menace. Elle tourna le dos à ses tantes et marcha vers la porte, mais quand elle l'eut ouverte, avant de disparaître, elle se retourna vers les deux vieilles filles, et d'une voix vibrante, elle leur cria de nouveau « Essayez !»